la base, il faisait beau. Le ciel était dégagé, j'entendais chanter les oiseaux, les vagues faire danser les galets, les gens flattaient mon égo, me disant qu'il y a peu de go qui m'égale, et c'est faux. Les écouter m'aurait rendu bien trop mégalo. À la base, il faisait bon temps, température idéale, mais fallait qu'on le sente mieux. On est parti pour des années tellement contente. Goûter une part de capital à l'addition, aussi salée que le ventre, ma Méditerranée. À la base, on marchait droit, il y avait masse de direction, mais l'impression de trouver la mienne nécessitait juste un peu de bon sens. Je ne marchais pas seul, selon les prévisions, il ferait meilleur encore si je partais en mission. Entouré de quatre sœurs, tellement la dalle que les coupées tournent qu'autour de mon ventre. Dites à l'imam, au prêtre, au rabbin et au pasteur, j'ai pas toujours considéré Dieu ni le monde grand avant. Ça me faisait mal quand on me répétait que j'étais personne. À la base on était bien, puis le temps s'est gâté, risqué, devint le terrain comme un rappel du patron, les nuages étaient soudains. Et pourri par une bactérie qui annonce la fin et provoque précipitation. D'un coup solo sous la pluie, j'ai couru comme never. Perdu tous mes repères et à l'usure mes appuis. Revisité tous mes a priori, revu mes priorités. Ouais, je me suis prise pour une pro qu'on prive de ses acquis. Sans parasol et sans ma plume, j'ai coulé un bon coup. Zappé que j'étais la fille de Polo et la petite fille de Jackie. Y'a trop de paroles qui m'ont pas plu, ils couperont pas mon souffle. Car c'est Fanny qui souffre et Polia qui profite de la crise. T'inquiète, ils briseront pas mon couple. Je l'avais déjà fui, n'y avait-il pas dans nos verres déjà assez de médicaments troubles. Un jour maman m'a dit ma fille, mieux vaut que t'aies des souvenirs douloureux que des regrets à vie. L'important c'est de gagner la foule, alors j'ai couru sous la pluie. Je l'ai déjà dit jadis, vos super superstitions, je n'en ai plus rien à foutre. Je les ai pas follow sous l'abri, additionne les addictions. Donc si merci permission d'échapper à la foudre, aujourd'hui solo sous la pluie. Demain le soleil sera plein.